Va prendre à respecter, va m'enculer. Hein? T'as dit quelque chose, on le fait. T'entends ma qu'une parole. Maintenant, c'est moi, c'est Joel, ouais. Solo, je viens mettre la baronne. Hein? Chacun sa mère, sa famille, son pétard à la bouche, un tol c'est dur, ça m'a dit que ça se plantait chaud dans la douche, au check c'est Yamaha, ça devient ami avec je sais pas qui, ça marche même dans la main, ça croit que tout est acquis, ça sert à quoi? C'est la pété, des vers le Miami, ami, des faits comme ça, je peux t'en niquer un milliard. Comment tu vas avancer avec les menottes? De nos jours, je fais des menaces, tout ça pour refaire comme l'autre. Wesh, l'équipe, restez cool, ça me critique, m'en bat les couilles. Y'a tout le monde qui parle dans le com, mais y'a des gars qui portent ses couilles. Respect aux vrais, qui m'écoutent, qui découvrent ce que je vis, qui voient ce que je vois entre amis ou ennemis. J'ai la haine contre l'uniforme, c'est à force de rester là. Trop de gens m'ont blessé, mais putain, faut que sèche mes larmes. J'aurai tous les jours en buvette, si l'alcool c'est de l'eau. J'suis tous les jours en fumette, pourtant la vie c'est Pablo. Le rap, ouais, c'est ma cam, hein. T'as vu, là, j'suis macabre, check sa bande et sa cape pendant que tu te demandes d'être pour madame, hein. J'ai fait les bails, il est temps que je vous dise bye. Là, tu vois que sors plus de morceaux, poto, mais ne crois pas que je baille. Cette routine m'entaille, cherche à bouger du bercail. Pour l'instant, c'est pas possible, alors j'travaille, j'me mets time. Police, aïe, là, ça y est, ça urge. Ils me font rire, les gens dans le sang, ils croient qu'on s'amuse. On m'a dit faudra t'y faire, soit t'es faible ou soit t'es fier. Soit tu marches, tu nies tout, soit tu coules sur 10 heures. S'il faut toute l'année, je te sors un son tous les 10 heures. Moi c'est Jules, j'ai le buzz, mais y'a plus ma tête dans le téléviseur. C'est les problèmes de la vie, alors j'encaisse, j'encaisse. Je pleure toutes les larmes de mon corps quand je suis seul. Encaisse, encaisse. Je trahirai pas mon frérot pour de la baisse, de la baisse. Fais confiance qu'à 2-3 poteaux de la tête, de la tête. T'as vu beaucoup sont tombés dans la cesse, la cesse. Beaucoup de sus, mais dès que t'as le dos tourné, ils en profitent, ils te rabaissent. Pétasse, bander fesse ou de gros moteur. Qui va t'en falloir pour entrer dans mon cœur. J'perds mon temps, bim ici, les petits ben dans les. Faudrait que je me greffe un œil dans le dos pour voir qui me critique, qui me félicite. Avant c'était la zone, reviens de la plage en peau à mort. Et si tu vois que tu m'aimes en noir, t'es le ceinture, on collabore. J'suis pas une star, quand je sors ma caisse, personne couvre la porte. Tu me vois pas à Cannes, tu peux me voir poser sur les matchs de mon bloc. De la bœuf, un choc, un fuck au flic. Trop d'embrouilles, on peut retrouver ton corps au pic. Marseille c'est trafic, braquage à séquestre. Pour apprendre à se monter dessus, y'avait pas de centriquestre. Ouais, j'en se connais, t'as bloqué, j'en déconne. Si tu me croisais un peu chaud, j'pourrais te mettre une volée. J'ai pris mes jambes à mon cou, y'a que des bandeurs à mon goût. Mes potos, mon cœur est froid comme à Moscou. On fait les bails, ça marche, mais des fois on se gourme. Mais on n'est pas du genre à faire les putes, à crier au secours. J'étais à pied, là je suis en lock, j'vois de la haine dans les regards. J'ai vu trop de faux culs, trop de trahison dans les rancards. Des rancards où tu peux finir mort sur un brancard. Ou attaché, ligoté, bouscoté dans un hangar. Et oui, c'est réel, et oui, c'est réel, et oui, c'est réel, comme nos putains de ruelles. T'es mon pote, me dégoûte pas. Si je t'aime pas, je t'écoute pas. J'suis à l'affût d'un coup de trace pour t'envoyer le coup de grâce. Au check, ça zone, en stunt en Kawasaki. Y'a les flics, on est aux aguets, poursuite, ça les peurs au taquet. Quand j'ai le cœur perdu, je dois ma peine dans la fumette, l'alcool. Et je réfléchis, me dis à qui me fier. Je suis comme un autre, oui, comme un autre. Quand je sens que j'ai trop d'embrouilles sous mon lit, je pose le canon. Si y est, tu m'as la joué un rôle, tu m'as la dire mes peines, ma gueule. Mais t'inquiète, ces fils de je les ai tous grillés. Je suis dans le move et je profite pas de mon buzz. Veulent mettre le nez dans mon pays, allez vous faire quiller. C'est pour les jeunes dans le foot, ceux qui guettent vers le bâtiment. Si ma vie est à refaire, malgré les soucis, j'aurais pas dit non. T'as oublié, c'est moi qui faisais danser tout ton quartier. T'inquiète, continuerai jusqu'au jour où je dois partir. Et je gamberge trop, je suis en train de me niquer le cerveau. Trop qui me font les nerveux, je sais plus comment faire. Quoi, c'est perdu de temps là. Faut qu'on bise, faut qu'on graille. Ouais, ça fait des pompes d'attraction. Pour les gens, cellules, con que ça, comme attraction. Attention, y'a les chemins tout anciens. Dans le secteur, c'est chaud, je t'en donne des occasions. Je me laisse aller, surnager du prix du beat. Faut que je fasse du sport, que je me vide. Oh mon dieu, faut qu'on me guide. Oh, hein, y'a que des faits. Fais-le que il chante au lieu de dire les choses faites. Hein, si t'es fait du mal, t'es pas voulu, excuse-moi l'ami. Je vois que tu s'énerves tout le temps, c'est pas ma faute, c'est honte à l'ami. Je calculerai, je déguste la vie. Sans le rap, cette chance, je l'ai pas. Pendant que ça braque, tu pistes la vie. Un jour, va falloir vous ranger, les gars. T'es le cœur en bras, tu pas à la pêche. Au frère, on t'a le garder la pêche. Oh la miss, elle fait des sous. Au final, elle donne pas sa tête. Je suis en bolide, passe comme une flèche. Fais un gros demi si elle est fraîche. Ça regarde même plus sa tête, ça regarde les bleus sous les fesses. Combien sont dans la cesse, c'est tout le nid devant tout le quartier. Dans combien de combus ça a coffré pour sortir les lunettes quartier. Vaut mieux un ennemi ou 10 amis qui te l'ont mis. Arrête de penser qu'à toi. J'suis pas un jaloux, moi demande ni envie de pousser vers le Canada. Ici c'est pas trop le paradise. On veut des love, envoie la caille. Je sens Pedro fumer la ice. Elle fait la gâte, il pièce, elle a le boubou, elle fait la size. Chaque fois que sort une musique, les petits me disent Joel, elle c'est la salle. Et moi t'inquiète, j'ai les épaules, même si je vais pas trop à la salle. Si tu me cherches, tu goûtes le sol, j'peux un mec envoie des rafales. Mais comment faire quand tu croyais toutes ces folles qui te collent pour ta gueule le soir en boîte, ma gueule. Regarde qui c'est qui pose le plus d'alcool. J'm'envole, elle veut dormir au Sheraton. C'est très bien que je m'en fous d'elle, mais elle me demande mon phone. Je vis ma vie, vie, cassez pas les couilles. Je reste accro de la zig zig, tout seul je me débrouille. Je vais pas fuir, fuir, pour moi ça fait pute. Bout de boost, fais-moi la passe, passe, pour moi ça fait but. T'as vu ma gueule, elle est mignonne, t'as vu mon style, il vient d'en bas. Puis tu fais le voyeur, puis quand je me chauffe, tu fais celui quand t'en pas. T'as pas compris, je veux pousser de là, je rêve de ma vie. pris à ma piscine. Bon Dieu, l'homme m'en défausse, tu m'entends, fais-moi un signe. La vie c'est cool, ouais, mais c'est pas le signe, c'est réel, et de quoi le signe. Et dans ce monde cruel, pour être là, j'y signe. Et t'inquiète pas, c'est la vie. Dis en nuit, tu dois chaque problème sa solution. Si j'arrive plus à dormir la nuit, je fais pas le match roule dans Marseille avec mon survêt et mes Nike. Par les cheveux, ça me jalouse trop, désolé les frères si je déménage. Je fais tout seul mes choix, je fais tout seul mes sens. L'impression de passer pour un faux cul quand des fois je leur fais des leçons. J'ai vu des gens, c'était des putes, sur grand-père, je peux plus me les plaire. Je sais que beaucoup seront là par intérêt avant de m'enterrer. J'ai toujours fait l'âme. Toi t'as toujours fait l'âne gros, et tant mieux pour toi si sur moi t'as sorti un lambeau. C'est réel, comme celui que tu trahis depuis tant d'années. Comme ce poteau que t'aides pas quand tu te fais condamner. C'est réel. Alors, c'est ça la vie. Y'a que les fils de qui changent pas d'avis. C'est réel. Je regrette pas ce que j'ai fait. Je fais les choses comme il le faut pour pouvoir sortir le fufu. C'est réel. Et c'est à cause de toi j'ai le cœur blessé. C'est réel. Comme celui que tu trahis depuis tant d'années. Comme ce poteau que t'aides pas quand tu te fais condamner. C'est réel. Alors, c'est ça la vie. Y'a que les fils de qui changent pas d'avis. C'est réel. Je regrette pas ce que j'ai fait. Je fais les choses comme il le faut pour pouvoir sortir le fufu. C'est réel. Et c'est à cause de toi j'ai le cœur blessé.